bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Rock de Neurone. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley et si vous m'entendez les lundis soirs, c'est qu'on est en direct. On est aussi en rediffusion. Si vous m'entendez le mardi entre midi et 14h, bien, on est en rediffusion. Et les dimanches matins entre 10h et midi. Et le reste de la semaine, bien entendu, si vous m'entendez sur Internet, c'est parce que vous avez choisi de syntoniser SoundCloud. Alors, aujourd'hui, à l'émission, on a 9 pièces. 95% de la programmation aujourd'hui, c'est du rock progressif italien. Et on aura, pour débuter, bien, Baroque Project avec, en fait, c'est l'album de la semaine, avec trois extraits de l'album Seven Seas qui est paru en septembre. On aura Algebra aussi d'Italie. Alors ça, c'est un groupe qui m'a été recommandé par un fidèle auditeur de Bécancour et j'ai nommé Denis Guillaume. Ceux qui connaissent Denis savent qu'il a été aussi propriétaire du Colimaçon à Trois-Rivières, un mythique endroit légendaire pour les amateurs de rock progressif. On aura aussi Prisma de Grèce, c'est le seul groupe qui fait ombrage à la liste des Italiens aujourd'hui. Il y aura aussi Il Giardino Onirico, c'est la troisième semaine qu'on a des extraits de l'album Apophenia. Alors c'est pour, ça confirme là, qu'il y a beaucoup de matériel sur cet album-là. C'est d'ailleurs un de mes top 15 de 2019 à date. On aura un petit retour dans le passé avec La Curva di Lesmo. Et ça, c'est en 2015. On va retourner à Algebra. Et ça sera un condensé de l'album. En fait, eux font dans les covers. L'album s'appelle Deconstructing Classics. Ça veut dire déconstruire les classiques. Alors, Felona and Sorona, qui est l'album de Léormé, l'album culte, classique, mythique de 1973. Alors, eux en font un condensé de 13 minutes. Avec une reprise de la plupart des chansons. Et c'est aussi produit de façon un petit peu plus, je dirais bien, léger, avec des instruments vintage. Alors, on va conclure avec Cellar Noise, qui est un autre groupe italien qui a aussi fait paraître un nouvel album il n'y a pas très longtemps. L'album, c'est Nautilus. Alors, on débute avec Baroque Project. C'est un groupe qui existe depuis une douzaine d'années. Ils ont déjà 6 albums studio à leur actif. Les 3 derniers, avant celui qui vient de paraître, là, ont été très bien reçus par la critique. J'ai nommé Coffee in New Colin, il y a Skyline et Detachment. Detachment que j'avais d'ailleurs chroniqué à sa sortie et auquel album j'avais donné une très belle note de 9.4. Alors, Seven Seas qui vient de sortir est dans la même lignée, dans la même veine. C'est un album de 12 pièces pour à peu près 72 minutes de très bon rock progressif. Le seul inconvénient de Baroque Project, que je l'ai déjà mentionné dans les émissions dans le passé, c'est que c'est chanté en anglais. Mais on n'en tient pas rigueur parce que les musiciens sont excellents. Alors, on aura 3 extraits de cet album-là. Alors, on débute tout de suite avec Baroque Project et 3 extraits de Seven Seas. New games to play, hide and seek. Then deeper feeling showed what we were. Lonely souls lost at sea, tired and weak. Who were just meant to be? One soul, one flesh through time and space. Sure, we never had. Now years have gone, the weight of life just breaks our back. We hold on. The bitter strikes of troubled times that eat us as we rise. Of rage. your fruitless race. We fight every time there is no hope for us. Thank you. oceans go, the seas round dry, frozen hearts, no tears to cry. We wait to see how it will be. Stop turning a dream. the ground until you find there's no one left to fall. Now we have to rise again, and I'll be here to share you with you all. I ended up here today. Up on the stage, I brandished my name no long before. So why do I feel so alive? I can't write this song again. I idle away while I face the gateway to the world. Believe a noble faith. waking up today, lie on my back and prone to contemplate on times of yore. Has it really been so long? I can stay at home and wait. Alors, c'était Baroque Project d'Italie avec la pièce Hamburg. Ça a été précédé de la pièce Cold Fog. Et en début de bloc, bien, nous avions Ashes. Ces trois pièces-là sont extraites de leur plus récent album qui est paru en septembre, Seven Seas. Après la pause, Algebra, Prisma et Il Giardino Onerico. Alors, à tantôt. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on débute ce deuxième bloc avec une formation italienne du nom de Algebra. Et c'est un groupe, en fait, qui est particulier dans le sens qu'il n'a jamais enregistré de chansons originales. C'est un groupe qui existe quand même depuis plusieurs décennies. Ils ont comme marque de commerce de faire des albums hommages. Donc, on parle ici des groupes importants comme Camel, pour nommer, bon, en fait, les plus importants que j'ai retracés, c'est Camel, Genesis, Gentle Giant, Jethro Tull, Emerson, Lake and Palmer. Alors, on parle quand même de gros noms ici. Et ce groupe-là, Algebra, ben, étant donné qu'il a fait des albums hommages et que ça s'est passé il y a quand même quelques temps déjà, des années 70, ils ont sorti une compilation cette année. Ça s'intitule « Deconstructing Classics ». Alors, on retrouve des extraits des albums précédents, là, qui sont des albums hommages. Et il y a quand même 2h30 de musique sur cette compilation-là. Et moi, je vais vous proposer deux extraits, un pour tout de suite, là, puis un peu plus tard dans l'émission, on aura dans le dernier bloc une autre pièce. Alors, on va commencer par « La Cura ». Et ça va être suivi de Prisma. Prisma, qui est un groupe de Grèce. C'est la troisième fois qu'on en fait jouer des extraits. En fait, c'est l'album Closer to Utopia. Et on va jouer la pièce-titre. Et en conclusion du bloc, ben, on aura Il Giardino Onirico. Et c'est encore une fois un album qui a été presque joué en entier à l'émission ici. Ça fait déjà la troisième semaine qu'on propose des extraits. Alors, l'album, c'est Apophenia. Et la pièce que je vous propose aujourd'hui, ben, c'est Oniro Nota. Alors, on y va avec Algebra. ti proteggerò dalle paure, dalle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì, che avrò cura di te. getting hate as long as he was paid. Everybody get out, I'm shooting just for fun. Yeah. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on continue avec du rock progressif italien et le troisième bloc, ben, il est dédié à un groupe et une chanson. En fait, c'est la face B de l'album La Curva di Lesmo. Ça, c'est l'album homonyme du groupe. C'est un groupe qui est dans le giron de Fabio Zuffenti, là, au même titre là, que La Maschera di Sera. J'ouvre une parenthèse ici pour juste mentionner que la Maschera di Sera sera à Québec au mois de mai 2020 dans le cadre du festival Terra Incognita. On en reparlera un petit peu plus tard dans la saison. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur le projet La Curva di Lesmo. Et c'est la face B, comme je le disais, c'est la face B de l'album, une pièce de 26 minutes. Alors, on se revoit dans 26 minutes. Oh,

frammento, il frammento del vestito di velluto, il fantoccio che stringevi, ragazzina, sguardo schivo, tutto attorno la cornice come spazio nel vissuto che gestiva la tua forma contenendo le versioni del tuo essere in luce, una donna con idee, un concetto di ritratto, un'icona del passato, il riflesso adusato, digerito ormai scordato, come un piano da lontano. Antico, luce fioca. Dicono che ho il cuore di pietra. Degli uomini mi servimi, rituali vuoti. novella Ippocrate. Io brucio lento nel mio inferno di diastro e di vento, come voi bruciate nel vostro. Di carne e di sangue. Sorridere, vita, se potessi fermarti, avrei tanto da darti, avrei tanto da amarti. Ma tu mi guardi e vai. E non ti fermi mai, i tuoi pensieri sono altri ed io non riesco ad avvicinarti. Oggi ho capito che Oh, Alors, c'était un extrait de la Curva di Lesmo. Ça, c'est un groupe, c'est un projet de Fabio Zuffenti. C'est le seul album, c'est un album homonyme qui est paru en 2015. Alors, c'est le seul album issu de ce projet-là. Disons qu'il a été assez occupé avec Host Sonaten et Finistère dans les dernières années. Et puis, il ressuscite là, pour le printemps prochain la Maschera di Chera avec une nouveauté. Et une présence aussi au festival Terra Incognita. Alors, après la pause, Algebra et Cellar Noise. Alors, on continue dans le rock progressif italien. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici donc rendus au dernier bloc de l'émission, mais on continue dans le rock progressif italien avec Algebra. On a eu une pièce dans le deuxième bloc. Et Algebra, ben, on revient avec une recommandation à l'époque là, de Denis Guillaume, qui est un fidèle auditeur de Bécancour, qui m'avait proposé un extrait là, d'une compilation qui s'appelait Zarathustra. C'est une compilation de... qui a été faite il y a une dizaine d'années, je crois, qui regroupait plusieurs groupes qui faisaient le tour des classiques là, de la musique italienne. Alors, Algebra, lui, de son côté, a fait une compilation de tous les albums hommages qu'il a produits. Le groupe a produit ça dans les années 70-80, notamment sur les groupes comme Gentle Giant, Jethro Tull, Camel, pour nommer les plus importants. Et là, il nous revient avec un condensé de l'album le classique de l'année 73, selon moi, un de mes albums préférés du groupe Les Ormains. Alors, c'est Felona and Sorona. Alors, ils nous font un condensé de 13 minutes de cet album-là en reprenant la plupart des mélodies. Et ça y va avec un condensé de 13 minutes, puis un peu plus léger comme atmosphère. C'est plus découpé comme... moins dense là, comme musique. Alors, c'est proche de... Des instruments vintage là, comme le clavecin ou le mélotron, la guitare classique. Il y a des musiciens importants sur cet album-là. On parle d'Anthony Phillips, là, l'ancien guitariste de Genesis. Il y a Steve Hackett aussi, puis nommé les plus importants, mais il y en a une douzaine. Et on va conclure avec Cellar Noise, qui est un groupe italien qui est assez jeune. C'est un... produit, en fait, il a été produit, le groupe, là, par Fabio Zuffenti, alors c'est un incontournable. Et après l'album A Light, qui est paru en 2017, bien, ils viennent de sortir 2019. Et je dois dire que c'est une facture un petit peu plus heavy que ce qu'il avait produit sur A Light. Alors, Cellar Noise a délaissé la sonorité des années 70 pour être un petit peu plus néo-prog là, des années courantes. Alors, on débute avec Algebra et Felona and Sorona. La felicità non puoi trovarla in te, ma nell'amore che un giorno agli altri darai. Thank you. come un polle di clessidra. La sabbia scorre col suo potere, così il destino coinvolge la vita lassù. Dietro boschi di corallo, dietro sospiri, diamanti veri, dove ogni cosa non cambia all'infuori del tempo. Si muovono col vento, scorrono le valli, rimbalzano sul mare, ruotano leggere nel sorvolare i monti, lasciano una scia come una cometa. Quando cala il sole, si fermano le sfere, formano un villaggio, la gente si ritrova e si corre incontro per un'altra festa mentre muore il giorno. luce si avvicina, ora è qui. Heart, I could even flee, my friend, but I'm faithful to my vow. This old town will have me till the end. Clear. lesson, a lesson left to learn. You're the teachers, I'm the students. was afraid of death. In this final night alone, I'm like you, my judges, but I'm sure that I can't dread the things that I don't know, as I don't know what's beyond. You deny that dialogue is the only path towards the truth. In our own way, we're ignorant. Alors, c'est Cellar Noise d'Italie avec la pièce Omega tirée de leur plus récent album Nautilus. C'est le deuxième album et puis, bien évidemment, ceux qui connaissent Cellar Noise à partir du premier album qui est paru en 2017, A Light, ben, ils vont constater que la facture a pas mal changé. En fait, l'album A Light est beaucoup plus teinté des années 70, tandis que cet album-là aujourd'hui est plus heavy. Quoique l'appréciation sur Prog Archive est généreuse par rapport à l'album de 2017. Alors, c'est une question de goût. Alors, ça met fin à l'émission. Puis, c'est Jimmy Farley qui vous invite à visiter la page Facebook de Rock de Neurones. Et si vous avez aimé l'émission, bien, allez faire un petit j'aime ou like sur la page Facebook. C'est mon salaire de bénévole. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Rock de Neurones.